même si nos yeux ne perçoivent pas. Tout ça est dissimulé sous la surface de notre réalité. L'unique solution est de cultiver sa reconnexion. Même si nos yeux ne le perçoivent pas, tout ça est dissimulé sous la surface de notre réalité.